Chapitre 8e. Le lendemain, Denis se tenait quoi dans sa chambre, bien éloigné de croire qu'il avait remporté une victoire aussi complète. Ce fut avec un tressaillement d'angoisse qu'il entendit frapper à sa porte dès le matin. C'était une petite fille de la maison qui venait l'inviter à descendre chez Madame Champion. Le gladiateur qui entre dans l'arène, le chrétien dans le cirque à l'aspect des bêtes féroces, peuvent seuls donner une idée des appréhensions du pauvre Denis quand il comparut devant la mère de Julie. Il les trouva toutes deux dans la petite chambre où il avait passé tant de soirées délicieuses et rapides, en pensant que peut-être il y revenait pour la dernière fois. « Monsieur Denis, » dit Madame Champion d'une voix un peu sévère, mais toujours amicale, « aimez-vous bien Julie et vous sentez-vous capable de la rendre heureuse ?»« Si je l'aime !» exclama Denis, dont l'œil s'alluma. « Je suis heureuse de vous voir ces sentiments. Vous êtes sans état et sans fortune, mais avec du courage, vous trouverez facilement l'emploi de vos talents. »« Vous verrez ce que je sais faire, » répondit Denis, plus calme en face d'une situation qui prenait une tournure aussi sérieuse. « J'ai quelques économies, » ajouta Madame Champion, « et l'ouvrage ne manque pas. Vous pourrez donc attendre une occasion favorable, et rien ne s'oppose à ce que vous épousiez Julie dès à présent. » Obtenez donc le consentement de vos parents. Je vous donne le mien. » On se mit à table, on forma 1000 projets pour l'avenir, et cette journée si tristement commencée s'acheva comme un rêve de bonheur. Diderot résolut de partir le soir même, et pendant qu'il causait avec Julie, Madame Champion bouclait les courroies de sa valise. On l'accompagna jusqu'au bureau des messageries, et pour la première fois, il lui fut permis d'embrasser sa fiancée, qui lui souhaita un bon voyage et un prompt retour. Enfin, Denis lui fit un dernier adieu de la main et la diligence roula sur le pavé. 4 jours après, il était à Langres, sa ville natale, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs années. Les vents jouaient comme autrefois aux 4 coins de la ville. L'église de Saint-Mamet n'avait pas changé de place et il y avait toujours beaucoup de couteliers. Mais rien de tout cela ne pouvait occuper sa pensée et à peine descendu de voiture, il courut à la maison paternelle, où personne ne s'attendait à son arrivée. Ce fut une fête pour toute la famille. On l'accueillit avec la joie la plus cordiale, et après le dîner, qui se prolongea assez tard, il alla prendre du repos. Le lendemain, il descendit à l'atelier du père Diderot, qui faisait toujours des couteaux, des canifs et des ciseaux. Il interrompit son travail et dit à son fils, « Je n'ai pas voulu parler d'affaires avec toi hier au soir. Mais si tu veux, nous pouvons causer. Je vois que tu es devenu un homme raisonnable, et le temps d'épreuve ne t'aura pas nui. Sois le bienvenu. Maintenant, que comptes-tu faire ici? As-tu en vue quelques projets d'établissement? » « Oui, mon père, je suis venu vous demander votre consentement pour me marier. » « Voilà qui ne doit pas m'étonner de toi, mon fils, » répliqua le père d'une voix tranquille, et j'aurais dû m'y attendre. Que tu vives comme tu l'as fait jusqu'à présent, je n'y vois rien à dire si tu prends goût à la vache enragée. Tu n'es responsable que de toi. Mais quand t'as donné les mains à un mariage qui engage la vie et l'avenir d'une jeune fille à un extravagant, un songe creux, un fainéant comme tu es, et seras toujours, c'est une mauvaise action que je me reprocherai toute ma vie. Reste ou va-t'en, mais ne me parle plus de mariage, tant que tu n'auras pas un état solide qui puisse nourrir ta famille. Si j'ai un conseil à te donner là-dessus, tu feras bien de ne jamais te marier. Tu es né pour vivre comme les cambolants, les saltimbanques de la foire et les gens de Bohême. » Denis Diderot plaida sa cause, y intéressa sa mère, mais le père fut inflexible. « Cette mère est une folle, » dit-il en parlant de Madame Champion, « et ils font la paire. Quand même Denis trouverait à vivre chez elle, il est malséant de manger au croc de sa femme en ne travaillant pas. Qu'il ne soit plus question de ce mariage, je ne veux plus en entendre parler. » Denis connaissait trop son père pour revenir à la charge. Il ne souffla mot, reprit la diligence et revint à Paris.